15, 32, observation, consonne supplémentaire aux personnes du pluriel. Sortir. Je sors. Tu sors. Il sort. Nous sortons. Vous sortez. Ils sortent. Connaître. Je connais. Tu connais. Il connaît. Nous connaissons. Vous connaissez. Ils connaissent. Choisir. Je choisis. Tu choisis. Il choisit. Nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent.